L'homme noir, chapitre 1er. En cet instant, Arsène Lupin eut l'impression, la certitude, qu'il avait été attiré dans un guet-apens par des moyens qu'il n'avait pas le loisir de discerner, mais dont il devinait l'habileté et l'adresse prodigieuse. Tout était combiné, tout était voulu. L'éloignement de ses hommes, la disparition ou la trahison des domestiques, sa présence même dans la maison de Madame Kesselbach. Évidemment, tout cela avait réussi au gré de l'ennemi, grâce à des circonstances heureuses jusqu'au miracle, car enfin il aurait pu survenir avant que le faux message ne fît partir ses amis. Mais alors c'était la bataille de sa bande à lui contre la bande Altenheim, et Lupin, se rappelant la conduite de Malreich, l'assassinat d'Altenheim, l'empoisonnement de la folle à Veldenz, Lupin se demanda si le guet-apens était dirigé contre lui seul, et si Malreich n'avait pas entrevu comme possible une mêlée générale et la suppression de complices qui, maintenant, le gênaient. Intuition, plutôt chez lui, idée fugitive qu'il effleura. L'heure était à l'action, il fallait défendre Dolorès dont l'enlèvement, en toute hypothèse, était la raison même de l'attaque. Il entrebâilla la fenêtre de la rue et braqua son revolver. Un coup de feu, l'alarme donnée dans le quartier, et les bandits s'enfuiraient. « Eh bien non, » murmura-t-il, « non. Il ne sera pas dit que j'aurai esquivé la lutte. L'occasion est trop belle. Et puis qui sait s'ils s'enfuiraient? Ils sont en nombre et se moquent des voisins. » Il rentra dans la chambre de Dolorès. En bas du bruit, il écouta, et comme cela provenait de l'escalier, il ferma la serrure à double tour. Dolorès pleurait et se convulsait sur le divan. Il la supplia. « Avez-vous la force? Nous sommes au premier étage. » Je pourrais vous aider à descendre. Des draps à la fenêtre. Non, non, ne me quittez pas. Ils vont me tuer. Défendez-moi. » Il la prit dans ses bras et la porta dans la chambre voisine et, se penchant sur elle, « Ne bougez pas et soyez calme. Je vous jure que, moi vivant, aucun de ces hommes ne vous touchera. » La porte de la première chambre fut ébranlée. Dolorès s'écria en s'accrochant à lui. « Ah! « les voilà, ils vous tueront, vous êtes seul. » Il lui dit ardemment, « Je ne suis pas seul, vous êtes là, près de moi. » Il voulut se dégager, elle lui saisit la tête entre ses deux mains, le regarda profondément dans les yeux et murmura, « Où allez-vous? Qu'allez-vous faire? Non, ne mourrez pas, je ne veux pas, il faut vivre, il le faut. » Elle balbutia des mots qu'il n'entendit pas et qu'elle semblait étouffer entre ses lèvres pour qu'il ne les entendît point. Et à bout d'énergie, exténuée, elle retomba sans connaissance. Il se pencha sur elle et la contempla un instant. Doucement, il effleura ses cheveux d'un baiser. Puis il retourna dans la première chambre, ferma soigneusement la porte qui séparait les deux pièces et alluma l'électricité. « Minute, les enfants » cria-t-il. « Vous êtes donc bien pressés de vous faire démolir. Vous savez que c'est Lupin qui est là, gare à la danse. » Tout en parlant, il avait déplié un paravent de façon à cacher le sofa où reposait tout à l'heure Madame Kesselbach, et il avait jeté sur ce sofa des robes et des couvertures. La porte allait se briser sous l'effort des assaillants. « Voilà, j'accours, vous êtes prêts? Eh bien, au premier de ces messieurs !» Rapidement, il tourna la clé et tira le verrou. Des cris, des menaces, un grouillement de brute haineuse dans l'encadrement de la porte ouverte. Et pourtant, nul n'osait avancer. Avant de se ruer sur Lupin, ils hésitaient, saisis d'inquiétude, de peur. C'est là ce qu'il avait prévu. Debout, au milieu de la pièce, bien en lumière, le bras tendu, il tenait entre ses doigts une liasse de billets de banque avec lesquels il faisait, en les comptant un à un, 7 par égal, et tranquillement, il déclarait « 3 000 francs de prime pour chacun si Lupin est envoyé à de Patresse ? C'est bien ça, c'est ce qu'on vous a promis, en voilà le double !» Il déposa les paquets sur une table, à portée des bandits. Le brocanteur hurla. « Des histoires! Il cherche à gagner du temps! Tirons dessus !» Il leva le bras, ses compagnons le retinrent, et Lupin continuait. « Bien entendu, cela ne change rien à votre plan de campagne. Vous vous êtes introduit ici, un, pour enlever Madame Kesselbach, deux, et accessoirement pour faire main basse sur ses bijoux. Je me considérerais comme le dernier des misérables si je m'opposais à ce double dessein. » « Ah ça, où veux-tu en venir ?» grogna le brocanteur qui écoutait malgré lui. « Ah ah, le brocanteur, je commence à t'intéresser. « Entre donc, mon vieux, entrez donc tous. Il y a des courants d'air en haut de cet escalier, et des mignons comme vous risqueraient de s'enrhumer. Et quoi? Nous avons peur? Je suis pourtant tout seul. Allons, du courage, mes agneaux. » Ils pénétrèrent dans la pièce, intrigués et méfiants. « Pousse la porte, le brocanteur, on sera plus à l'aise. Merci, mon gros. Ah, je vois en passant que les billets de 1000 se sont évanouis. Par conséquent, on est d'accord. Comment s'entend tout de même entre honnêtes gens? Après? Après, eh bien, puisque nous sommes associés. Associés? Dame, n'avez-vous pas accepté mon argent? On travaille ensemble, mon gros, et c'est ensemble que nous allons, un, enlever la jeune personne, deux, enlever les bijoux. » Le brocanteur ricana. « Pas besoin de toi. » « Si, mon gros. » « En quoi ?»« En ce que vous ignorez où se trouve la cachette aux bijoux et que moi je la connais. » « On la trouvera. » « Demain, pas cette nuit. » « Alors cause, qu'est-ce que tu veux ?»« Le partage des bijoux. » « Pourquoi n'as-tu pas tout pris, puisque tu connais la cachette ?»« Impossible de l'ouvrir seul, il y a un secret, mais je l'ignore. Vous êtes là, je me sers de vous. » Le brocanteur hésitait. « Partagez, partagez. Quelques cailloux et un peu de cuivre, peut-être. Imbécile, il y en a pour plus d'un million. » Les hommes frémirent, impressionnés. « Soit, » dit le brocanteur, « mais si la Kesselbar fiche le camp, elle est dans l'autre chambre, n'est-ce pas ?»« Non, elle est ici. » Lupin écarta un instant l'une des feuilles du paravent et laissa entrevoir la main de robe et de couverture qu'il avait préparée sur le sofa. « Elle est ici, évanouie. Mais je ne la livrerai qu'après le partage. Cependant, c'est à prendre ou à laisser. J'ai beau être seul, vous savez ce que je vaux, donc. » Les hommes se consultèrent et le brocanteur dit « Où est la cachette ?»« Sous le foyer de la cheminée. Mais il faut, quand on ignore le secret, soulever d'abord toute la cheminée, la glace, les marbres, et tout cela d'un bloc, paraît-il. Le travail est dur. Bah, nous sommes d'attaque. Tu vas voir ça, en 5 minutes. » Il donna des ordres, et aussitôt ses compagnons se mirent à l'œuvre avec un entrain et une discipline admirable. Deux d'entre eux, montés sur des chaises, s'efforçaient de soulever la glace. Les 4 autres s'attaquèrent à la cheminée elle-même. Le brocanteur, à genoux, surveillait le foyer et commandait « Hardi, les gars, ensemble, s'il vous plaît. Attention !»« 1, 2, ah, tenez, ça bouge !» Immobile, derrière eux, les mains dans ses poches, Lupin les considérait avec attendrissement. Et en même temps, il savourait de tout son orgueil, en artiste et en maître, cette épreuve si violente de son autorité, de sa force, de l'empire incroyable qu'il exerçait sur les autres. Comment ces bandits avaient-ils pu admettre une seconde cette invraisemblable histoire et perdre toute notion des choses au point de lui abandonner toutes les chances de la bataille? Il tira de ses poches 2 grands revolvers, massifs et formidables, tendit les 2 bras et tranquillement, choisissant les 2 premiers hommes qu'il abattrait et les 2 autres qui tomberaient à la suite, il visa, comme il eût visé sur 2 cibles dans un stand, 2 coups de feu à la fois et 2 encore. Des hurlements, 4 hommes s'écroulèrent les uns après les autres, comme des poupées au jeu de massacre. « 4 ôtés de 7 reste 3, » dit Lupin. « Faut-il continuer ?» Ses bras demeuraient tendus, ses 2 revolvers braqués sur le groupe que formaient le brocanteur et ses 2 compagnons. « Salaud !» gronda le brocanteur, tout en cherchant son arme. « Oh, les pattes !» cria Lupin. « Où je tire ?»« Parfait. Maintenant, vous autres, désarmez-le, sinon !» Les 2 bandits, tremblant de peur, paralysaient leur chef et l'obligeaient à la soumission. « Ligotez-le ! Ligotez-le, sacré nom ! Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Moi, parti, vous êtes tous libres. Allons, nous y sommes. Les poignets, d'abord, avec vos ceintures. Et les chevilles, plus vite que ça. » Désemparé, vaincu, le brocanteur ne résistait plus. Tandis que ses compagnons l'attachaient, Lupin se baissa sur eux et leur asséna 2 terribles coups de creux sur la tête. Ils s'affaissèrent. « Voilà de la bonne besogne, » dit-il en respirant. « Dommage qu'il n'y en ait pas encore 50. J'étais en train. » Et tout cela avec une aisance, le sourire aux lèvres. « Qu'en penses-tu, le brocanteur ?» Le bandit maugrait et lui dit « Sois pas mélancolique, mon gros. Console-toi en te disant que tu coopères à une bonne action. Le salut de Madame Kesselbar. Elle va te remercier elle-même de ta galanterie. » Il se dirigea vers la porte de la seconde chambre et l'ouvrit. « Ah ! » fit-il en s'arrêtant sur le seuil, interdit, bouleversé. La chambre était vide. Il s'approcha de la fenêtre et vit une échelle appuyée au balcon, une échelle d'acier démontable. « Enlevée, enlevée !» murmura-t-il. « Louis de Malreich, ah, le forban !»